On va parler avec Tony Guzzo du site internet leblitznfl.com. Salut Tony. Salut Danny, comment ça va? Ça va bien Tony. On va parler d'abord dans un premier temps des rumeurs de transactions. C'est la date limite de cette semaine, le 2 novembre. Évidemment, c'est pas comme dans les autres sports. Hein. Il n'y a pas de grandes transactions, mais il pourrait en avoir quelques-unes, dont Deshaun Watson, évidemment. Encore une fois, j'ai hâte de voir ce qui va arriver dans son cas. Évidemment, ton équipe, les Dolphins de Miami, s'intéresse énormément au service de Deshaun Watson. J'écoutais Stéphane Cadoret cette semaine dans le podcast. 23 carrières depuis Dan Marino. 23 carrières depuis Marino, c'est incroyable. Écoute, ça prouve à quelque part que les Dolphins... c'est comme un peu comme les Flyers de Philadelphie qui ont eu de la misère à trouver un gardien de but depuis Pelé Lindbergh. Donc, t'as raison. Ça ressemble beaucoup aux Dolphins, aux Flyers de Philadelphie devant. Écoute, c'est incroyable. Ah, c'est décourageant, Danny, parce que moi aussi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh, faut vraiment. Je suis encore partisan des Dolphins après tout ça. Ah oui, c'est ça. Mais comme tu as mentionné, la date limite des échanges, c'est mardi prochain, le 2. Ouais. C'est sûr, c'est pas excitant comme on voit dans le sport, dans les autres non. sports comme le hockey et tout ça. C'est sûr qu'il y a toujours des grands noms, mais le problème, c'est que le problème avec la NFL, ils sont très gourmands, les équipes sont très gourmandes avec les choix au repêchage. Mm. Puis si on regarde Deshaun Watson, si c'est vrai, il demande 3 choix de premier round. Là. Tu sais, une transaction de même, il faut quasiment que ça y aille une transaction selon le rendement du joueur. Ouais. Tu le changes, puis après ça, c'est. Tu mets des barèmes d'accomplissement, puis par la suite, s'il atteint ses barèmes, là, tu sais, d'un choix repêcheur de plus. Puis c'est le même, ça devrait être de même. Parce que le gars, il y a quoi, 19 femmes qui sont après? Il y a 22 accusations. 22 accusations, donc, tu sais, quelque part, c'est incroyable. Là. Donc, il n'est pas sorti du bois, le gars. Là. Donc, tu peux pas donner un choix, 3 choix de première ronde, puis faire ce que tu veux. Exactement. Puis c'est tout un défi, c'est toute une pression pour les équipes qui veulent l'avoir parce qu'il ne faut pas s'en cacher. Puis c'est quand même un... ça va être aussi. Exactement. Puis en tout cas, moi, là, je le veux vraiment pas. Je respecte le corps arrière. C'est un excellent corps arrière. Il y a plein des spécialistes qui disent que c'est dans le top 10, top 12 qui aimerait faire confiance comme corps arrière. Mais dans toute cette histoire-là, le commissaire a dit cette semaine qu'ils n'ont pas assez de preuves encore pour que la Ligue le suspende. Mais je ne sais pas si tu as su ça, Danny. Les Panthers sont sont aussi dans la course. Sam Darnold est redevenu Sam Darnold. Exactement. Mais qu'est-ce qui est surprenant, c'est que c'est Jason LaConfora de CBS Sports qui a mentionné que si les Panthers sont après Deshaun Watson, ça se peut qu'ils mettent Christian McCaffrey dans le deal. Ben voyons donc, toi. Ah ouais? Parce que Christian McCaffrey, vous le savez, il est très fragile avec sa santé, puis ils sont prêts à faire ce move-là. T'sais. Fait que, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai, là, Jason LaConfora de CBS, il a tendance à être un peu comme un Renaud Lavoie. Des fois, il va te sortir des nouvelles un peu trop audacieuses, des rumeurs audacieuses. Ben, on va voir, mais comme tu as mentionné, il y a toujours des grands noms qui sortent là-dessus, mais il n'y a rien de spectaculaire. Mmh. Mais on parle même de Von Miller de Denver. Ben oui, de Von Miller, évidemment, à cause de ça. Écoute, ouais. C'est un gars qui a plus de faits qu'il en reste à faire. Exactement. Donc, lui, c'est parce qu'à quelque part, on voudrait peut-être le récompenser pour ce qu'il a fait. Puis les Cards ont déjà fait un move, sont allés chercher le lien rapproché Zach Ertz le mois de semaine. Donc, tu sais, les grosses équipes comme Arizona, Green Bay, Dallas ou même les Rams, ils vont regarder, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Là. On ne fera pas une mission. Il va y avoir un NFL Network, mais... Il n'y aura pas de commencer à 6 heures le matin comme si RDS, là, tu sais... Comme NFL Network, j'ai toujours dit que c'était exagéré aussi d'ailleurs. Là. T'sais, quand tu dis que le poste du baseball et le poste de la NBA, parce que je suis les autres sports aussi, quand c'est la date limite d'échange, ils font une émission de 3 heures. Mettons que la date limite finit à 16h, ils font une émission C'est de ça, il 13h commence à 1h, c'est ça. à Exactement. 16h, puis ça s'en C'est va. ça. Puis c'est le poste de la NBA qui sont 24h, 20. Donc nous ici à RDS, puis Puis à TVA Sport. ça radote pas à peu près, là. Ah, ben oui, c'est malheureux. Tout pour des cotes d'écoute. Ouais. Donc, j'ai hâte de voir aussi, il y a d'autres joueurs qui sont mentionnés également dans les rumeurs d'échange. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Je m'attends pas à grand-chose non plus, évidemment. C'est le dossier de Non, Deshaun Watson qui risque de faire parler. exactement. Mais encore Exactement. là, comme je disais tout à l'heure, il faut quasiment que tu donnes le joueur puis que tu mets des barèmes d'accomplissement pour après ça. Hein? Sans ça. Moi, je trouve que c'est trop d'actifs, là. C'est trop dépensé pour ça, là. Même pour cet accord-là. Tu sais, ça peut nuire autour. Non, Tu sais, ça toute peut. la. Puis même. Puis j'ai hâte d'avoir l'argent qu'ils vont me donner en plus. Fait que c'est comme. Wow, en tout cas, je ne souhaite pas. Là. Pour mes Miami, surtout, là, je suis prêt à vivre ça là, parce que c'est trop donné. C'est trop donné. Je regarde les Puis. carrières de l'histoire des Dolphins, ok? Écoute bien ça. Il y en a plusieurs depuis Dan Marino. Décourage-moi pas. Jay Fiedler a quand même pas été mauvais. Ça a quand Non, même pas non. été. C'est peut-être le moins pire de la gang. Dante Culpepper qu'on a avec les Dolphins sont également. C'est pas si pire, ouais, c'était pas si pire. Après ça, t'as Chad Pennington, Chad Amy, Ouais. Jay Cutler, Ouais. Ryan Tannehill, ça c'est. Moi je comprends pas que. Écoute, il va bien depuis qu'il est au Tennessee. Ouais, ben, il y a eu une grosse blessure, puis on avait un coach tata, Adam Gase, qui l'a pas aidé. Fait que. Ouais, Ryan Tannehill, ça me fait mal. Ray Lucas, Brian Greasy, le fils de Bob. Ouais. Je pense qu'il est rendu analyste même de ça. Oui, à ESPN. Il à était à ESPN. ESPN. Sage Rosenfeld. Ouais, tu sais, la liste est longue, là. OK, arrête, arrête, Dave. Donc, 23 carrières depuis Dan Marino. C'est aussi pire que les Browns. C'est aussi pire que les Browns. Ah non, ben ça prouve à quelque part que c'est pas facile, nécessairement. C'est comme les Flyers de Philadelphie, je l'ai dit. C'est Ouais. comme depuis la mort de Pelle Lindbergh, il y a eu Ron Hextall, puis c'est tout. Ouais. Exact. Carter Hart, c'est pas encore sûr. Fait que. Écoute, les matchs de la semaine maintenant. Écoute, il y en a déjà un de disputé. C'était jeudi soir. Normalement, c'est quand même assez rare les matchs du jeudi soir. C'était le gros, ça, jeudi soir. C'est le soir. gros. Victoire des Packers de Green Bay 24-21. Les Cards qui étaient à la ligne des buts, je pense, à la ligne de 12 interceptions. Puis ça a été à coûter le match également. Puis Kyle Murray, trois interceptions dans le match également. Écoute, les Packers étaient privés de leurs trois meilleurs receveurs qui étaient pris de la COVID. Oui, puis chapeau, à Matt LaFleur, il est vraiment sous-estimé parce que je pense qu'il y a, depuis qu'il est dans la ligue, je pense qu'il y a une fiche de 33 victoires, 7 défaites, mais ils ont tous monté un gros plan de match. Ils savaient qu'il fallait qu'ils gèrent le temps, le cadran. Ils ont couru avec le ballon, les Packers, ça a marché. Et Aaron Rodgers, en tout cas, ça a été un gros plan de match. C'est sûr qu'ils ont eu des petites crampes au cerveau à la ligne des buts, ils n'ont pas réussi à marquer. Mais ils ont tellement eu le temps de possession du ballon là, que justement, Kyler Murray avait beaucoup de pression. C'est là qu'on voit l'inexpérience de Kyler Murray. Mais c'est quand même, veut pas, les Cards s'en allaient. Je pense que c'est une des plus belles défaites qu'on peut dire aussi des Cards, dans le sens que. Donc, quand même, ils se sont battus. Il était à un jeu de gagner le match aussi. Ouais. Mais Green Bay, 7 victoires consécutives. En tout cas, Rodgers aime ça, Fighter. Les grands gueules là, de la télé, des analystes, tout ça. Puis tout le monde, toute la communauté, parce que sont dans la course. 7 victoires, une défaite. Mais chapeau, grosse victoire. Puis c'est un statement, comme on dit, à la mi-saison là, pour les Packers qui. À la première semaine, c'était déjà fini. Puis, Danny, ça va être intéressant, là. Je commence à douter. Je pense que Rodgers va rester avec Green Bay encore. Ben, on n'attend pas, on n'a entendu parler de rien. C'est ça, on disait que c'était sa dernière année, mais j'ai l'impression. Mais là, il y a Jordan Love qui est prêt également. Là. Ouais, mais il est prêt, il est là, mais s'il était si prêt que ça, là, il aurait fait de quoi. Ça se peut que Green Bay l'échange, Jordan Love. Effectivement. Ça serait intéressant de savoir pour justement améliorer l'équipe pour le Super Bowl. Parce que Jordan Love, s'il serait prêt, on le verrait un peu plus là, comme on voit avec les Trey Lance, comme on voit les jeunes corps arrière. Ça a été vraiment une grosse gaffe là, de Green Bay là, en repêchant Jordan Love le second. Bon, OK. L'autre match, tu as parlé de Stateman avant de parler d'autres matchs parce que c'est pas un grand QV. Les Bengals de Cincinnati la semaine passée qui sont allés battre les Ravens à Baltimore qui était une séquence incroyable. Hey, c'est un statement, ça aussi? Ah oui, c'est le fun. C'est le fun de voir les Bengals qui en ont bavé un peu à l'image des Bills les dernières années. Ouais. Puis son premier de la conférence, ça va super bien, mais c'est toute une division, ça. Mm. On pensait que la nationale ouest était compétitive, mais là, tu sais, avec San Francisco, Seattle qui va pas très bien. Mais la division nord dans l'américaine, Cincinnati, Baltimore, Cleveland, même Pittsburgh avec 3 victoires, 3 défaites. Fait grosse division, il y a des gros matchs de division. Mais Joe Burrow, en tout cas, on se croise les doigts. Il est en santé, mais quand il est en santé, ça va super bien. Avec Jamar Chase qui risque d'être le joueur. Jamar Chase qui est la grosse acquisition. C'était le porteur de ballon à LSU. Il est incroyable aussi. Ces deux joueurs qui jouent ensemble, ça clique. Ça clique entre Burrow et Chase. Là. Donc, Chase risque d'être la recrue de l'année. Là. Donc, ça va vraiment bien. Très bien dirigé. Il travaille fort. C'est une équipe qui se bat. J'ai hâte de voir ça. Mais peut-être au bout de la ligne, l'inexpérience va peut-être... Mais c'est rafraîchissant de voir les Bengals. Pardon? C'est rafraîchissant de voir les Bengals. Oui. Puis, merci à la NFL. Là. Cette parité-là, là, c'est incroyable. Et l'autre match à surveiller, c'est un match qui est à 13h. Les Steelers de Pittsburgh contre les Browns de Cleveland. Écoute, c'est une des plus vieilles rivalités dans la NFL. C'est un bon match de football, un bon match de la division nord de la conférence américaine. Match très important pour les deux équipes. Le gagnant continue d'avoir une place en série. Espérer l'autre, ça va être de plus en plus difficile. Ah oui, gros match de division, comme j'ai mentionné tantôt. Pittsburgh avec 3 victoires, 3 défaites. Cleveland avec 4 victoires, 3 défaites. Semblerait que Baker Mayfield va jouer. Il était blessé la semaine passée. On pensait de donner un peu plus de repos, mais c'est un match tellement important. Qu'il faut que les Browns mettent Mayfield dans la mêlée. Ça va être la ligne défensive des Steelers contre la ligne offensive de Cleveland. J'ai bien hâte de voir ça. Puis, comme tu as mentionné, celui qui va gagner, même si Pittsburgh gagne, ça va être une lutte à quatre dans cette division-là. Je pense que le match va se décider en défensive. Là. L'équipe défensive qui va arriver avec le gros jeu va avoir le dessus pour gagner ce match-là. Mais comme tu as dit, C'est le match du week-end à surveiller, là, très, très, très important. C'est le match. Et grande rivalité, comme tu dis. Ouais. Bon, c'est beau. Tony, on s'en reparle même pas la semaine prochaine? Ben oui, bon football, tout le monde. Le site internet de BlitzNFL.com, le fondateur du site Tony Guzzo. Yes.